apprenant l'interpellation d'avocats qui devaient justement exercer leur ministère, c'est-à-dire les droits de la défense, apprenant leur interpellation le jour où ils interviennent, c'est-à-dire pour assurer la défense des intérêts donc de plusieurs prévenus, il est évident que un procès ne peut pas se tenir sans les avocats. Les avocats, ils sont, dans une démocratie, le rempart contre tout arbitraire. L'exercice des droits de la défense, c'est un droit fondamental dans une démocratie. Et donc, je ne vois pas comment un procès peut avoir lieu et comment des prévenus peuvent comparaître devant une juridiction sans être assistés par leur avocat. Et c'est vrai que je suis impatiente de savoir dans quelles conditions ces avocats ont été interpellés et pour quelles raisons, puisque on ne peut s'empêcher quand même de faire un lien entre l'ouverture d'un procès fleuve qui va durer plusieurs mois avec de nombreux prévenus et quelques petites heures avant l'ouverture de ce procès, la privation pour les prévenus d'être assistés de leurs avocats, puisque, comme je vous le disais, je pense qu'on touche vraiment aux droits fondamentaux. Les droits de la défense sont des droits fondamentaux, mais le libre choix de l'avocat est aussi un droit fondamental. Et on ne peut pas imposer à un prévenu un avocat qu'il n'a pas choisi. Le libre choix de son avocat et de sa défense est également un droit fondamental. Donc ce procès ne peut pas avoir lieu. Voilà ce que je peux dire en l'état des informations qui sont en ma possession. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est une provocation de l'État espagnol ou du gouvernement espagnol. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que justement, cette opération se produit pile le jour où un grand procès démarre contre les membres de Batasuna. Mais ne sachant pas exactement de quoi il retourne exactement, je peux pas faire de déclaration contre un État. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'alerte en tant que parlementaire française également, en étant juriste, en étant également juriste, ce qui m'interpelle, c'est que quand même, le jour même. Empêcher des avocats d'exercer leur métier, c'est-à-dire la défense, les droits de la défense. Le droit à un avocat est un droit fondamental pour tout le monde. Alors, je ne sais pas, c'est la justice, c'est la police, je ne sais pas qui est à l'origine et qui a commandé ces interpellations et pour quel motif. Donc, je me garderai de faire toute déclaration et toute interprétation à ce sujet, mais je ne peux m'empêcher, et là c'est la citoyenne qui parle, de voir en tout cas un lien direct entre ces interpellations et le procès. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, pour finir, vous souhaiteriez, ou il serait normal à votre avis, que ce procès soit reporté? Ah, mais je ne vois pas comment il peut en être autrement. L'Espagne est un pays européen, l'Espagne est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne accusée a droit d'être défendue par l'avocat de son choix. Si cet avocat n'est pas là, le procès est renvoyé. Voilà, donc ça me paraît difficilement discutable. Je vois pas comment, et dans un état de droit, et quelle soit la procédure, quels que soient les faits incriminés, quels que soient les prévenus, l'assistance d'un avocat en France, en Espagne, en Europe, c'est un droit minimal. Heureusement d'ailleurs, ça serait, on serait dans une véritable dictature, c'est pas possible.